Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Bref de Saint-Sainte Pie IX. À notre très cher fils le docteur Constantin James, médecin à Paris. Très cher fils, salut et bénédiction apostolique. Nous avons reçu avec plaisir, très cher fils, l'ouvrage où vous réfutez si bien les aberrations du darwinisme. Un système que repousse à la fois l'histoire, la tradition de tous les peuples, la science exacte, l'observation des faits jusqu'à la raison naturelle elle-même, semblerait n'avoir besoin d'aucune réfutation. Si l'éloignement de Dieu est le penchant au matérialisme, provenant de la corruption, ne cherchez avidement un appui dans tout ce tissu de fables. Celle-ci, du reste démentie de tous côtés par les arguments les plus simples, porte, de plus, en elle la marque évidente de leur propre insanité, et, en effet, l'orgueil, après avoir rejeté le Créateur de toutes choses, et proclamé l'homme indépendant, voulant qu'il soit son roi, son prêtre et son Dieu, l'orgueil en arrive, par toutes ses folies de son invention, à ravaler ce même homme au niveau des animaux sans raison, peut-être même de la matière brute, confirmant ainsi, à son insu, la parole divine, où l'orgueil a été, là aussi sera la honte. Mais la corruption de ce siècle, les artifices des pervers, le danger des simples, exigent que de semblables rêveries, tout absurdes qu'elles sont, comme elles se servent du masque de la science, soient réfutées par la science vraie. Aussi, de l'aveu de tous, par votre livre si opportun et si parfaitement approprié aux exigences de notre époque, avez-vous très bien mérité tout à la fois et de la religion et de vos frères. Nous vous félicitons donc et vous présageons un succès répondant pleinement au but que vous vous êtes proposé et à votre persistant labeur. En attendant, comme gage de la faveur suprême et en témoignage de notre paternelle bienveillance et de notre gratitude, nous vous accordons bien affectueusement, très cher fils, notre bénédiction apostolique. Donnée à Rome, près Saint-Pierre, le 17 mai 1877, la 31e année de notre pontificat. Pie IX, pape. Décret de Saint-Sainte Pie IX, à notre très cher fils le docteur Constantin James, médecin à Paris. Très cher fils, salut et bénédiction apostolique. Belle et féconde en fruits de tout genre est la mission que vous vous êtes donnée, en faisant consister l'honneur de la science, acquise par votre intelligence et vos travaux, à imprimer un nouvel essor à la religion et aux nobles études. Aussi, très cher fils, voulant vous récompenser des services rendus par votre livre du darwinisme, et vous encourager à marcher toujours dans cette glorieuse carrière, nous vous absolvons, pour ces motifs, et voulons que vous vous regardiez comme absous des excommunications et interdits, ainsi que de toutes autres sentences, censures et peines ecclésiastiques que vous auriez pu encourir, de quelque manière et pour quelque cause que ce soit. Nous vous choisissons de plus, par ces présentes, et créons chevalier commandeur de l'ordre de Saint-Sylvestre, pape, appelé la milice dorée. Vous prendrez rang dans cet ordre, le plus ancien de tous nos ordres de chevalerie, que Grégoire XVI, notre prédécesseur, de vénérable mémoire, a renouvelé et honoré encore de plus grandes distinctions. En conséquence, nous vous autorisons à porter, en outre du costume de l'ordre et des particularités du grade, les insignes propres à ce même ordre, savoir, le collier d'or, l'épée d'or et les éperons d'or. Nous vous accordons l'usage et la jouissance des privilèges et facultés dont usent et jouissent ou peuvent et pourront user et jouir les chevaliers de cette milice, à la réserve pourtant des privilèges et facultés abolis par le Concile de Trente, qu'a confirmé l'autorité de ce Saint-Siège. Nous voulons que vous portiez la croix d'or, de grand module, octogone, blanche à sa surface, avec l'effigie de Saint Sylvestre, pape, au milieu, attachée par un ruban de soie, alternativement rouge et noir, et à bord rouge. Vous la porterez en sautoir. Et, pour éviter toute dissemblance avec les autres chevaliers de cette milice, nous avons ordonné de vous en envoyer le modèle. Donné à Rome, près Saint-Pierre, sous l'anneau du pêcheur, le 15 mai 1877, la 31e année de notre pontificat. Pie IX, pape. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.